Tout de suite, moi je vous propose une belle idée de sortie avec Romuald avec nous au téléphone. Bonjour Romuald. Bonjour. Bienvenue sur Arc-en-Ciel. Alors Marie-Claire, Romuald, présente-nous. Alors Romuald, donc Romuald, de son nom, on peut donner votre nom, Romuald ou pas ? Ah oui, c'est possible. Bon, alors Romuald Requena, non mais je suis contente d'avoir les coordonnées complètes, moi. C'est surtout que tu as réussi à prononcer. Oh, bon, il y a peut-être un accent particulier. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a, comment dire, interrogé, oui, lorsque j'ai lu votre carte de visite, Romuald, c'est parce que, oui. Et donc j'aimerais qu'on en parle avant d'en venir plus spécifiquement à la sardine, c'est que vous êtes, alors j'ai cru comprendre, peut-être que je me suis trompée, donc créateur du Sakifo Music Festival. Non, pas créateur, programmateur. Alors, programmateur, d'accord. Et donc, j'ai été sur Internet, donc ça fait un petit moment que vous faites ce métier. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire ça en quelques mots? Parce que moi, ce qui m'a plu, bien sûr, parce que bon, un festival de musique, bon, c'est pas forcément hyper original, mais à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion, là, c'est autre chose. Oui, enfin, c'est le hasard de la vie, hein, mais oui. Moi je vis à Orléans, mais il se trouve que dans le fil de mes rencontres dans les métiers de la musique, effectivement, je me suis un peu accroché à La Réunion et qu'aujourd'hui je gère la programmation de deux festivals à La Réunion et d'un autre en Afrique du Sud. Donc nous avons un monsieur là au téléphone. Oh bah, carrément. C'est vraiment, encore une fois, une logique des hasards de la vie, des rencontres. J'ai fait du management d'artistes pendant des années. Et pour en revenir un peu à ce qui se passe sur la guinguette, c'est que ça me permet, en tout cas, cette relation que j'ai avec les tourneurs, les artistes, etc., me permet de proposer une programmation à la guinguette que j'espère intéressante. Ah oui, avec des moyens qui sont somme toute assez limités, pour le coup. Alors justement, quand on parle de moyens, est-ce que vis-à-vis de la sardine, alors je reviens carrément dans la sardine, est-ce que vous avez des partenariats spécifiques ou comment ça se passe? Ah bon, de manière assez basique, en fait, on a une convention annuelle avec la mairie pour. Donc on a une convention sur la partie animation culturelle pendant les 3 mois d'exploitation de la sardine. C'est-à-dire d'un côté, il y a une partie structure société qui exploite la sardine avec une patente, etc., appel d'offres, etc. Et puis on a une association qui existe depuis bien longtemps, quasi 15 ans maintenant, et qui en fait assume la partie animation culturelle. Voilà, et en gros on a en contrepartie de ça, on a une aide de la mairie qui reste très très très limitée par rapport au coût total. La quantité de la quantité d'artistes qu'on fait venir de DJ set, enfin, en gros on a des animations à peu près tous les jours, quoi, tout à fait, pendant 3 mois. D'ailleurs, on peut retrouver cette programmation, Romuald, sur déjà sur Internet, bien sûr, et également... on a un Facebook qui est assez qu'on essaye d'animer régulièrement. Oui. Et vous avez également, donc, quand on est sur le pont, c'est le cas de le dire, donc une revue, donc La Sardine, qui est très originale. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour dedans. Donc, je vous conseille d'aller voir déjà, parce que bon, je vais vous décrire moi maintenant ce que je pense de La Sardine. Hein. Si j'en dis du mal, tant pis. Hein. Ah ben, vous avez le droit. Hein. On reste sur un espace qui est. Ouvert, qu'on essaye de rendre assez populaire. Et bien sûr, il y a des parmi les gens qui passent, il peut y avoir des insatisfaits. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Bon, mais c'est le jeu. En tout cas, parce que j'en ai pensé, donc d'abord, le cadre est très agréable parce que c'est au bord de la Loire. Ensuite, alors là, je cible, mais moi, je suis une tchoulaïque, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que j'aime bien picoler. Hein. Donc, j'ai pris, donc, on peut le citer, donc... Les animateurs qui sont tous en train de dire « Ouais, c'est vrai, c'est vrai !» Donc, moi, j'ai choisi un Ubi numéro 4, donc, qui est un vin... c'est un vin de quoi? Du Sud-Ouest, ça, non? Oui, Ubi c'est un producteur du Sud-Ouest, effectivement, qui propose un certain nombre de cépages différents et qui numérote ses... Oui, ses, c'est cru. C'est cru, ouais, voilà. Oui. Donc, je vous dis, excellent. Hein. Donc, comme je dirais, c'est à boire, à boire, à boire. Hein. C'est à boire qu'il nous faut. Bon, ça, évidemment, je rappelle, avec modération. Hein. Donc, donc, voilà, des vins, vous en proposez. J'ai vu aussi qu'il y avait le vin du moment. Donc, oui. Qu'est-ce que c'est qui fait que c'est le vin du moment ? Ouais, bah, le vin du moment, c'est simplement le droit qu'on se donne ponctuellement d'avoir des vins qu'on décide de mettre en avant et qu'on va garder pendant 2 semaines à peu près. Et on travaille sur des rotations. Quand on a des vins possibles autres que ceux qu'on a l'habitude d'avoir, on essaye de les proposer. Et en ce moment, d'ailleurs, on a un vin qui vient de Mont-Louis, en fait, d'un vigneron de Mont-Louis. On est en vin naturel, biodynamie. Ah oui. Quelque chose d'assez intéressant. D'accord. Bah, écoutez, alors évidemment, il n'y a pas qu'à boire hein, dans la sardine, il y a aussi à manger. Et quand on passe, on sent des odeurs qui sont sympathiques. Alors, moi, si vous voulez, Romuald, le seul bémol hein, que j'aurais par rapport à la sardine, mais bon, moi, je suis très bourgeoise, hein, alors donc j'ai un côté bourge qui est assez prononcé, c'est simplement que le service se fait au bar. Donc, bon, je comprends tout à fait le pourquoi, bien sûr, le service se fait au bar. Donc, vous voyez. Non, c'est important de l'expliquer, c'est que c'est par opposition à ce que vous venez de me dire, votre côté bourgeoise, on a voulu ce lieu comme un lieu populaire où les gens, comme vous avez pu voir, grande tablée alignée, où les gens se trouvent des places, du coup se retrouvent à communiquer les uns avec les autres, et puis il se trouve également qu'on a un espace de service très limité. Ça fait partie du cahier des charges avec la mairie sur l'exploitation. On a donc fait un conteneur. On peut pas avoir 10 serveurs sur la sardine. C'est très compliqué et donc on a opté effectivement pour une logique de service au bar et d'être dans un endroit plutôt populaire. Non, mais en tout cas, cet endroit plutôt populaire, pour une bourge comme moi, il est hyper sympa. Eh bien, Romuald, je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés pour nous parler de la sardine. Alors, je rappelle que de toute façon, on trouvera toutes les coordonnées de la sardine. Bon, c'est sur le quai du Châtelet, donc on ne peut pas vous rater, ça c'est sûr. Et donc, mais de toute façon, on remettra quand même les coordonnées sur le Facebook de On l'adore ou on la déteste. Merci, Romuald. Merci, et à bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Arc-en-ciel, c'est du soleil plein les oreilles. Plein les oreilles.